Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio en ouverture ce New Year's Day. Bien sûr, reprise des YouTube par le groupe Redemption, extrait de cet album Long Night's Journey into Day. Cet excellent groupe de metal progressif qui est Redemption, sur lequel depuis maintenant quelques années on retrouve le chanteur de Ever Grey, qui a succédé à celui de Fate's Warning. Tout de suite, un excellent groupe que ce Redemption, que j'invite vraiment à tous les amateurs de métal progressif à y jeter une petite oreille. Maintenant, du bon vieux rock qui fait taper du pied avec Jim Patrick, qui nous sort ce dernier album sorti sur le label Frontiers Music. Ce sera extraitera ce River of Music et le morceau The Cadence of Things. Tout de suite pour débuter Overdrive, Radio Dio de la meilleure des façons en 2026. Donc restez bien derrière votre tuner, dans votre rocking chair. Jim Patrick, The Cadence of Things. Things all around us. Vous venez d'entendre Rob Moratti avec ce Sovereign sorti sur le label Frontiers Records pour débuter l'année 2026 sur de l'AOR. Maintenant, ce sera le groupe Core Leoni de Léo Leoni de Gotthard. Et cet album Live at Allen Stadium Zurich. Donc pour ce Core Leoni, il s'agit vraiment d'un un groupe, on va dire, parallèle, un projet parallèle du guitariste de Gotthard qui souhaite plutôt rendre hommage au premier album du groupe, ce qui était vraiment très hard rock, avec l'excellent et regretté Steve Lee au chant. Et ce sera Fire Dance qu'on va écouter tout de suite sur Overdrive pour ce Core Leoni tout de suite. From afar. Come on! vraiment excellente version que ce Fire Dance par le groupe, non pas Gotthard, mais Core Leoni tout de suite, donc qui rend hommage, guitariste Leo Leoni, qui rend hommage aux premiers albums de Gotthard. Maintenant, le groupe Bullet, pour continuer dans le bon vieux hard rock. Bullet, un groupe, il me semble que je les ai vus du côté du Firebird de Saint-Étienne, il y a de ça quelques années, quand, lorsqu'il y avait encore des concerts là-bas. Open Fire, extrait de leur dernier album qui voit le jour aujourd'hui même du côté de SPV Records, ça s'appelle Kickstarter, et on va lancer ça tout de suite avec Open Fire. We'll be right back. D'entendre le groupe Beyond the Black tout de suite avec ce Break the Silence sur Overdrive Radio Duo. Il est 10h passé de 10 minutes. Maintenant, on va passer à une grosse sortie du jour. Il s'agira du dernier album de Alter Bridge, album éponyme sur lequel toujours on retrouve le duo phare Marc Tremonti et bien entendu le chanteur Miles Kennedy, et leur alchimie fait toujours des miracles ici sur ce Playing Aces qu'on envoie tout de suite sur Overdrive Radio Duo. We'll be right back. Yes, vous venez d'entendre Halt a Bridge tout de suite sur Overdrive Radio Duke et on va continuer maintenant avec une petite nouveauté. Il s'agira du dernier album de Death Angel qui va nous revenir en 2026 avec ce Cult of the Use qu'on envoie tout de suite sur Overdrive Radio Duke. Yes, voilà un single assez rapide, incisif pour le groupe Death Angel tout de suite. Et on va continuer maintenant avec Therion qui nous sort un album enregistré avec un orchestre, quelque chose qu'il n'avait jamais fait véritablement. en live et ça s'appelle Con Orchestra. Tout de suite, on va écouter le classique du groupe suédois The Rise of Sodom and Gomorrah. Tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Encore une petite seconde, le temps que tout se mette en place. On est heureux de retrouver tout le monde au sein de l'émission pour la session, la saison 2026, j'en perds les années, et ce sera encore une fois ce groupe Therion avec The Rise of Sodom and Gomorrah, tout de suite sur le 895 de Duo. Thank you. L'excellente version que ce Rise of Sodom and Gomorrah par le groupe Therion, tout de suite maintenant autour du metal progressif avec Seven Eye Crow et cet album Emerge qui voit le jour sur MNO Music. Ce sera Eyes Wide Shut tout de suite, en référence au film, dernier film de Kubrick bien sûr. Hello, come on in, have a seat, try and make yourself at ease. Start. What would you like to clear? Who is out to disappear? A whole range of services we provide are known and appreciated worldwide. People standing in our lobby always bring along quite dirty things to bury. Reading shit, watching Netflix, and the wind flows. You Voilà pour le groupe Seven Eye Crow, excellent. Que ce métal progressif qui se réclame d'influence de groupes comme les Plus ou alors les excellents australiens de Carnival. Voilà, maintenant on va passer au groupe, l'excellent groupe Jotun, les Danois de Jotun nous reviennent avec un album live enregistré au festival de Copenhague à Copenhague, et ce sera le morceau Mistland qui va ravir avec des paysages embrumés. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo, c'est parti pour une longue plage musicale avec Jotun. We'll be right back. Yes, vraiment un excellent morceau de death metal mélodique avec ce Jotun et ce Mistland sorti sur ce Waves Over Copenhagen. Tout de suite, Dead Sun, maintenant pour quasiment terminer l'émission, ce sera A Midnight Serenade, tout de suite sur le label Mighty Music. Voilà, Overdrive, c'est quasiment terminé ce soir, mais on ne se quittera pas sans un dernier morceau. Ce sera un extrait du dernier album de Body Count, tout de suite, avec une excellente reprise de Uncomfortable Numb, de bien sûr Pink Floyd, sur lequel a été invité rien de moins que David Gilmour, tout de suite. Et ce sera ce morceau que j'ai décidé de passer, sur lequel on a une longue plage musicale et un long saut de guitare pour conclure l'émission. Donc on rappelle le www.radiodio.org, on rappelle le www.facebook.com/overdrive-radiodio pour retrouver toutes les informations concernant l'émission en particulier. Et on se dit à la semaine prochaine, même heure, même fréquence. N'oubliez pas de sortir couvert, d'écouter beaucoup de musique. Et on se retrouvera très prochainement pour un concert également au Fil de Saint-Étienne qui devrait être annoncé prochainement. Il y aura Evolution. Ça devrait être super sympa. On devrait les avoir également dans l'émission. Voilà, il est temps pour moi de rendre l'antenne et de vous dire à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. life's supposed to be. Human animals, we roam the earth in search of blood. Hope for humanity, I don't think there ever was. We're in perpetual war, that's the only law. Can I change it? I doubt it, so I write songs about it. I was young once, but now I've grown old. Right in front of your eyes, you see my life unfold. I had no choices, I became the underdog's voice. A young black kid, look what the fuck I did. When I'm gone, there'll be someone to carry on. We can give and give up, or we can stay strong. How accepting of the bullshit we've all become. This whole world is comfortably numb. Hello, is anybody out there? Can anybody hear me? A computer so you don't care. A roof, some clothes, some food. That's right, it's all there. Lock yourself in your house. Try to forget about the millions dying from war, starvation and drought. You've got your own problems. Yes, we all do. Nobody's free from stress. Not him or me or you. But we still judge each other. We wanna pick a fight. In the streets we kill each other. Each and every weeknight. I don't want no drama, but I carry a gun. I don't want no problems, but they'll probably come. So we get high to wash away the pain. Medication, but that shit is all done in vain. We think that we can hide away from the misery. You can close your eyes, but still can plainly see. There's nowhere to run. You're just comfortably. Too much religious beef, too much racist shit. And if there is a God,